Nous voici chez le Dieu, en cette île admirable du soleil, fils d'en haut. Je fais part à mes gens des soucis de mon cœur. Camarades de mots, vous avez beau souffrir, il faut que vous sachiez ce que Tirésias m'a prédit dans l'Hadès. Il m'a recommandé, et très fort, d'éviter cette île du soleil, le charmeur des mortels. Il m'a dit qu'en ces lieux, nous aurions à subir le comble des malheurs. Doublons cette île, écartez-en le noir vaisseau. Je dis. Leur cœur éclate. Eurylope aussitôt répond d'un ton haineux. Tu n'es pas tendre, Ulysse. Ah, ta force est intacte et tes membres dispos. Ta charpente est de fer. Et lorsque nous tombons de sommeil, de fatigue, tu défends qu'on accoste à cette île aux deux rives où nous apprêterions le bon repas du soir. Tu veux que sur le champ, dans la nuit qui vient vite, nous poussions loin du bord et nous allions nous perdre dans la brume des mers. Les pires coups de vent, destructeurs de vaisseaux, sont les fils de la nuit. Et comment fuir la mort suspendue sur nos têtes, si nous tombait soudain l'une de ces bourrasques qui brisent un navire en dépit des dieux rois? C'est l'heure. Il faut céder aux ombres de la nuit. Préparons le souper. Campons près du croiseur. Et dès l'aube, demain, nous reviendrons à bord et pousserons au large. Hélas! Durant 6 jours entiers, mes braves compagnons ont de quoi banqueter. Ils avaient au soleil pris ses plus belles vaches. Mais lorsque Zeus, le fils de Cronos, nous envoie la 7e journée, le Notos qui soufflait en tempête s'apaise. On s'embarque à la hâte. On replante le mât, on tend les voiles manches, on pousse vers le large, et l'île disparaît. Devant nous, plus de terre, rien que le ciel et l'eau. Zeus nous pend sur la coque une sombre nuée, dont la mer s'enténèbre. Mais notre course est brève. En hurlant, nous arrive un furieux zéphyr qui souffle un ouragan. La rafale, rompant d'un coup les deux étais, nous renverse le mât et fait pleuvoir tous les agrès à fond de cale. Le mât, en s'abattant sur le gaillard de poupe, frappe au front le pilote et lui brise le crâne. La tête est embouillie. L'homme, comme un plongeur, choit du haut du gaillard et son âme vaillante abandonne ses eaux. Zeus tonne en même temps et foudroie le vaisseau. La foudre vient frapper le vaisseau qui capote et que le soufre emplit. Tous mes gens sont à l'eau. Mes gens sont emportés par les vagues. Ils flottent autour du nord-croiseur, pareils à des corneilles. Le dieu leur refusait la journée du retour. Moi, je courais d'un bout à l'autre du navire quand un paquet de mer disloque la membrure. La quille se détache et la vague l'emporte. Mais le mât arraché flottait contre la quille et l'un des contre-étés y restait attaché. C'était un cuir de bœuf. Je m'en sers pour lier ensemble mât et quille et sur eux je m'assieds. Les vents de mort m'emportent. Et 9 jours, je dérive. À la 10e nuit, le ciel me jette enfin sur cette île océane où la nymphe bouclée, la terrible déesse douée de voix humaine, Calypso, me reçoit et me traite en ami. Mais pourquoi vous reprendre un récit qu'hier soir, en cette même salle, je vous ai fait à toi et ta vaillante épouse? Quand l'histoire est connue, je n'ai jamais aimé en faire un nouveau conte.